tels que moi. Dis-moi sur 12 que je tape comme un noir. 17, 8 au rock, ma pourvu qu'on se barre dans la nuit. Minus, mi, m'faut des qu'on se barre. Pour faire simple, ami, j'ai cette sale manie. Quand je prends le mic, manie sans arrêt. High tech company, on te contamine. Mes play out, t'as mis sans arrêt. Loin de tout, les soucis prennent bien d'ambiancer. Loin de tout, les problèmes se stackent bien danser. Loin de tout, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ça sent les vacances, vas-y paye ta canette. R.A.S. R.A.I.S. Direction L.Z.Z. La vague impression que cette année c'est la bonne. Moi je fais retombe la future avec la daronne. Ok, posé avec Kumeho, Tarko ou bien Telo. Détends ton bien sapéro, loin loin de l'espriguero. Éliminer, éliminer les mineurs, les cons, les mythos. Didier Kim, Raifa, charge de Vito. Allez, allez, allez, allez. On va se défouler. Allez, allez, allez, allez. Les villes, les allez, allez, allez, allez. On va se défouler. Allez, allez, allez, allez. كيم خويا راك شايع واه واه كما سحنونا في خاطرنا شي جزائر وناس تونس وناس المغرب بلادنا عزيزة علينا خمسة عليها ملعين نقلعوا اللي غبينا فيها وننساو لا روتين بلادنا عزيزة علينا خمسة عليها ملعين نقلعوا اللي غبينا فيها وننساو لا سيدي فاكوس والنار قديت نبغدو البلايا الكونجي في بلادي بديت وحبابي حدايا علي علي الولاد البنات كلشي معايا كل يوم سهرة كل يوم لافات كل يوم رواية Ce soir c'est le départ, je me barre au bled avec une équipe un peu trop fou sur les bords. T'as plus qu'à divulguer tes plans, on revient péter le score. J'ai pété les stores, chez moi j'en avais marre du décor. Ok ce soir faut que je plane, pas de doute sur ça. De Marrakech à Tantam, on fait péter le son. Mais qu'on est tous en plage, je te dis qu'on donne ça. Et dès que DJ Kim, on fait ça comme ça. Allez, allez, allez, allez. On va se défouler. Allez, allez, allez.